C'est Rambobine, la nouvelle émission de la locale. Bonjour, vous êtes bien sur à l'écoute de la radio La Locale, 97.3 à Saint-Girons. Nous sommes en ce moment dans les locaux de la radio et vous pouvez donc nous écouter en direct et pas sur internet en ce moment. Nous sommes désolés, on a des petits problèmes techniques. Nous vous proposons une toute nouvelle émission qui s'appelle Rembobine, parce que rembobiner une cassette, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Mais oui, parce que quand j'étais enfant, j'adorais écouter la radio et enregistrer mes chansons préférées sur des cassettes. Je me souviens de me précipiter sur mon poste et d'appuyer sur les deux boutons en même temps, play et record. Bon, c'était parfois un peu laborieux. Et une fois que l'enregistrement était terminé, je rembobinais pour voir si j'avais pas trop loupé le début. Donc parfois c'était un peu loupé. Et puis surtout, je rembobinais pour pouvoir chanter ensuite à tue-tête sur mes chansons préférées. Et puis après, je pouvais me balader partout avec ma musique grâce à mon Walkman et mes cassettes enregistrées. Et puis parfois, je sais pas si vous vous souvenez, la cassette elle crachait sa bande et il fallait alors l'extraire patiemment du poste et puis introduire un stylo dans les trous pour la rembobiner tranquillement et remettre la bande à sa place. Alors aujourd'hui, j'écoute toujours la radio, mais je collectionne plus les cassettes. À la place, je surfe, je clique, je télécharge, je podcaste. Je me souviens qu'on se refilait des cassettes entre potes. Je me souviens aussi de faire des cassettes spéciales pour ma grand-mère, ma cousine. C'était des cadeaux d'anniversaire. Alors, avec cette émission, Rembobine, je vais vous refiler mes cassettes à moi. Mais pas celles de la cour de récréation, mais plutôt mes pépites trouvées sur la grande toile d'Internet. Parce que ça reste toujours un grand, grand plaisir pour moi de tomber sur un son qui me touche, d'écouter, de réécouter, même si je rembobine plus. Alors, j'essaierai de faire un truc pas trop, trop décousu, donc avec un fil. On plongera ensemble, si vous le voulez bien, dans un univers du podcast, du documentaire sonore, de la fiction, pour une écoute parfois brute ou pour une écoute un peu plus décortiquée, ça dépendra. Et aujourd'hui, le fil, c'est Jeff Clack. Jeff Clack, c'est J-E-F, Clack, K-L-A-K. Jeff Clack, c'est un collectif avec un site internet et aussi une revue papier accompagnée d'un CD. Et sur ce CD, il y a des créations sonores. Et donc, j'ai choisi de vous faire écouter 4 créations qui proviennent de ce CD ce soir pour cette toute nouvelle émission de Rembobine faite à la radio La Locale. On va commencer par écouter un petit son qui fait 5 minutes 10. J'essaierai d'être très précise sur le temps, parce que dans le travail du son, chaque seconde est importante, et en tous les cas, chaque seconde demande du temps de travail. Donc j'essaierai d'être précise sur le temps. Ça s'appelle Frottement. Sur le site internet de Jeff Clack, on peut lire cette description de frottement, ce petit truc de 5 minutes 10, que je trouve assez parfaite. C'est dit que c'est un morceau pour étoffe, violoncelle, et quelques notes de piano. Les différents tissus sont caressés, froissés, tapotés, voire frappés, et viennent dialoguer avec les cordes du violoncelle ou du piano, pour aboutir à une sorte de blues urbain cotonneux. Alors, on va balancer ça tout de suite. Et c'est de Erwan Martinerie. Alors, j'ai choisi de commencer par cette petite création de 5 minutes 10 parce que le tissu est utilisé de différentes manières et au fur et à mesure, on n'arrive plus à distinguer le tissu de l'instrument. Et le tissu, il est parfois froissé, trituré et il devient musique. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup le mélange, la transformation du son dans la création sonore, de qu'est-ce qui est musique, qu'est-ce qui n'est pas, de aussi déplacer un objet de son usage premier. Donc voilà, c'était Frottement d'Erwan Martinery sur la musique de Jack in My Head. Pour les personnes qui nous rejoignent, bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Rembobine, une toute nouvelle émission de La Locale. D'ailleurs, nous sommes dans les studios actuellement. Vous êtes peut-être à l'écoute grâce à votre poste radio sur 97.3. Ou alors vous avez et vous aurez dans le futur podcasté cette émission. Et c'est très très bien parce que moi, je fais pareil. Je podcaste, ou comme on dit en français, je télécharge des créations sonores accessibles sur Internet. Et donc l'idée de cette émission, c'est de vous faire partager mes découvertes, mes podcasts, ce que je trouve sur Internet. On va aller progressivement dans l'écoute des créations là sur... Ça va être de plus en plus long. Là, on avait une création de 5 minutes. On va aller dans une... Là, écouter une création de 12 minutes. Là, ça va être une 12 minutes de jeu. J'ai choisi cette production de Kabiria Chomel pour sa démarche de travail, parce qu'elle a demandé à son entourage de lui filer du son d'enfant qui joue de jeu. Il y en a des quatre coins du monde. Et ensuite, elle a fabriqué cette grande cour de récré pour nos oreilles. Et moi, j'aime m'imaginer tous ces gens, amis ou camarades de cette jeune femme qui, avec leur enregistreur ou leur téléphone, sont allés enregistrer des sons et lui ont envoyé ensuite. Et elle a fait toute sa... Elle a modelé la pâte qu'on lui avait envoyée. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire écouter ce son-là. Donc ça dure 12 minutes. Et 12 minutes, pardon, j'ai dit que j'allais être précise, alors je vais commencer à l'être. Ah bah c'est 12 minutes pile poil, donc c'est pour ça que je l'étais précise. Donc ça s'appelle « De jeu en place ». Ey, kimin kay? Ey, elim bu bir yagi kimin kay? Adırı gedin lola, bunu yiyip. sens bien la mention. Dans la main, on faut bien aimer la main. C'est le soir, avec soi. L'amour, il faut le voir dans mon bout de naveur. Face à face, un coup de sol, et moi, la main, il boxe ça. Boxe ça. Un coup de sol, et moi, la main, il boxe ça. Boxe ça. Boxe ça, boxe ça, boxe ça. Ouais. Section, section de la mention. Dans la main, il faut bien aimer la main. C'est le soir, avec foi. L'amour, il faut le voir dans mon bout de naveur. Face à face, un coup de sol, et moi, la main, il boxe ça. Boxe ça. Un coup de sol, et moi, la main, il boxe ça. Boxe ça. Loulou p'tit nas prétrat l'outra parraine madame. Bistou loulou p'tit nas prétrat l'outra parraine t'es cap. Quand les bénédines s'y posent, pas à tes six sangres, t'as jamais, t'es jamais. Du moi tes six sangres, t'as jamais tes six sangres. Fais-le, tes six sangres, pas à tes six sangres, t'as jamais. Yani mani dedili ertemin başına dedili. Asıl mani var dilli dedili. Dedili. Vous êtes toujours à l'écoute de La Locale 97.3 à Saint-Girons et ses alentours, et sinon sur l'internet mondial. Alors là, on était vraiment un peu partout. Moi, ce que j'aime, c'est que je me suis complètement plongée dans cette grande cour de récréation sans toujours comprendre les langues parlées, les ambiances, tout ça. Mais vraiment, ça a été une vraie plongée, une vraie balade, en tous les cas pour moi. Ce que j'aime aussi, c'est que parfois, le son, il arrive à gauche, un peu pour nous informer, tiens, il va y avoir un changement d'ambiance, ou il va y avoir ça qui se passe, et tranquillement, ça passe à droite, et ensuite, ça vient dans nos deux oreilles, comme pour combler l'espace. Ça, j'aime vraiment beaucoup, ce truc de, on prévient, alors que le son d'avant n'est pas encore fini, et donc, on le laisse se finir tranquillement, et hop, on arrive dans une autre, sur une autre scène de théâtre. Ça, j'aime beaucoup, et en même temps, j'aime beaucoup aussi direct les coupures. Un peu ce truc de rythme aussi, de bim, un truc qui s'arrête et hop, on recommence sur autre chose.

de magie de cette depuis une cuisine en fait. Je pensais entendre parler de magie, de pouvoir, de surnaturel, parce que voilà, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de cette revue. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce contre-pied. Et puis, de me dire, tiens, il y a une réalisatrice qui s'est dit, ah bah tiens, si je faisais une création sonore sur le cube magie, je trouve ça assez génial, assez magique. Donc voilà, c'était un peu pour ça que j'avais envie de vous faire passer ces histoires de cubes. Pour finir, on va écouter Sorcière, Sorcière. Alors, sorcière, le premier est au singulier et sorcière, le deuxième, est au pluriel. C'est mon coup de cœur de tous les temps. C'est ma pépite à moi. J'ai un peu découvert le documentaire sonore grâce, enfin, et par ce, par Sorcière, Sorcière. C'est une fiction de Raphaël Moutarde et Elisa Monteil. Et pareil, c'est sorti pour le premier numéro Marabout de Jeff Clack. Ça dure 24 minutes et 19 secondes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette fiction, autant pour son contenu, un contenu féministe, que pour la forme. Vous allez voir, on voyage dans le temps grâce aux ambiances sonores et puis on découvre ou on redécouvre ces histoires de femmes qu'on a voulu soumettre et écraser. Je vous laisse découvrir ce bijou. J'espère que vous êtes bien installés dans votre canapé avec des bonnes enceintes pour pouvoir en prendre plein les oreilles. Et on se retrouve après ça. La séparation. J'ai jeté la gourmette. Défaire les liens factices, noués contre mon gré entre toi et moi il y a longtemps. À 5 mois, la robe blanche, le petit bracelet doré, le ruban autour de la tête, et la tête sous l'eau froide. Je pleure. Ma mère raconte que je pleure en voyant le prêtre. Immédiatement. Déjà chiante. Déjà à nous faire honte. Plus tard, 14 ans, je repense au visage du curé, le père Welser, mieux connu au catéchisme après. Les murs épais du presbytère en pierre. Je pense à lui en découvrant le clitoris dans la baignoire. Un vertige, avec la puissance du jet d'eau entre les cuisses. Et le visage du père Welser. Qui se fige dans ma mémoire, ventre agité et tout petit sein tendu. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi.

des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières. Alors voilà, c'était Sorcière, sorcière. Moi, le contenu, il me bouleverse toujours autant. D'ailleurs, je suis désolée, j'aurais peut-être dû vous dire que c'était bouleversant à des endroits. J'essaierai de faire attention pour les prochaines fois. Moi, j'aime bien le contenu parce qu'on apprend des choses de manière facile. Enfin, ça... Et on redécouvre d'autres choses. Il y a un peu de tout. Il y a justement l'effet historique qui sont fictives, enfin du coup qui sont en tous les cas fictionnées, avec cette voix d'homme docteur qu'on sent très loin. Moi j'avais l'impression d'être justement au 19e. Il y a cette comptine d'enfants sur les sorcières sorcières. Il y a ce fait d'actualité qui est aussi fictionné dans le sens où ça a été travaillé, le fait que ça soit un journal télévisé, qu'on capte que c'est la télé qui dit ça et que c'est un truc qui se passe actuellement. Enfin voilà, il y a plein d'allers-retours sur au 19e, maintenant, sur des faits historiques, sur de la fiction, sur aussi ce qui fait le fil, c'est cette voix qu'on entend, la voix principale qu'on entend toujours, et ce personnage principal, je pense que, en tous les cas, moi, il m'aide à suivre l'histoire. Je trouve qu'il y a un très très bon travail de voix, justement, autant la voix principale que les autres voix. Il y a un travail de rythme super. Il y a aussi à un moment la superposition des voix où on énumère le nombre de femmes violées, torturées, tout ça. Et en fait, la superposition des voix, elle permet de sentir justement le nombre et le surnombre et le nombre exacerbé et exagéré de ces femmes qui se font maltraiter. Et finalement, peu importe si on ne suit pas exactement ce qu'elles ont tout enduré, parce qu'en fait, on comprend le propos et comme quoi elles sont nombreuses. Voilà, il y a des bouts de guitare électrique à des endroits et du coup, c'est pareil, c'est la musique, ce qu'elle permet. Mais en même temps, dans ce documentaire, il y a aussi plein de sons qui donne du rythme et on peut pas échapper au son de sorcière, la porte qui grince, le parquet qui grince, les crapauds, les rires, mais en fait c'est du stéréotype, mais ça passe aussi et ça permet aussi de capter, de rentrer dans l'univers de ce qu'on a pu dire des univers de sorcières. Donc voilà, et puis bon, bah, le clin d'œil. Le dernier clin d'œil à toutes ces femmes, enfin toutes les femmes qu'on est, enfin voilà, il est juste à propos et très juste. Je vais arrêter parce que j'ai l'impression d'être critique de documentaire sonore. Merci beaucoup à Jeff Clack pour cette première émission, parce que voilà, j'étais très contente d'être accompagnée de Jeff Clack et ses quatre créations pour cette grande première. Lundi prochain, sur ce créneau, on retrouvera Bénédicte et son émission Rature et littérature. Allez, je vous dis pour ma part dans un mois. On rembobine!